dit même à genoux, il faut subir les outrages. Ce monde est fou de rage. On implore le ciel si on nous piétine, mais on devient fier quand on domine. Vainqueur ou soumis, je hais ce défi, car au fond de moi, je ne suis ni la proie, ni le carnivore. Souffrir en